Et bonjour, bienvenue et merci d'avoir payé sur Start. Vous êtes dans la barrique numérique avec les frères Cassette, là où les jeux vidéo et la bière se rencontrent sans bug. Ni glitch. Et Pelay. Ça fait combien d'années là, qu'on n'a pas enregistré? Je sais pas, j'espère que les vacances ont été bonnes pour toi. Ben ouais, ça se tient. Toujours autant de plaisir. Ouais. Toujours dans le même coin de la grange, là? Ah, écoute, j'arrête pas. Moi, le petit coin avec l'âme pis tout, là, moi, c'est mon petit coin préféré. C'est calme, tu sais. Il fait noir, on est bien, c'est cozy. Ouais, pis là, l'hiver approche, là. J'espère qu'il fait pas trop fret dans cet endroit-là. Non, il y a du foin en masse pour te faire une petite couverte. Ah, c'est parfait, ça. Tu peux faire une couverte, tu peux tout faire avec du foin, finalement. Ouais, tu peux te faire un feu, ton matelas, ta couverte. Faut juste faire attention pour pas les ménager. Non, c'est ça, pis tu peux te faire même une plus petite grange dans la grange en foin, tu sais. Ah, c'est comme les trois petits cochons, là. Genre. Mais cochonception, comme quoi que t'as la maison de paille dans la maison de bois, dans la maison de briques. Ouais. On n'est pas fancy à ce point-là, nous autres. Non. Fait que, hey, moi c'est Gilles Cassette. Et moi, c'est Gaétan Cassette. On n'a pas vraiment de relation avec Papa Cassette, mais on l'aime beaucoup, on le salue. Ben oui, allô. Puis je vous inviterai, chaque auditeur, chaque barriqueux et chaque barriqueuse, de bien vouloir envoyer une lettre de pétition avec plusieurs noms au maire Coderre de Montréal pour qu'on puisse enfin modifier les lois municipales pour permettre à Papa Cassette d'ouvrir un bar à arcade à Montréal, parce que colline de bout de vierge, que ça ferait du bien dans le paysage social. Ben certain, puis quand on dit tout le monde, c'est vraiment tout le monde, et même notre seul auditeur à Chypre, là, lui, là, faut particulièrement qu'il envoie une lettre. Lui, là, il n'y a pas le choix, là. En fait, je sais pas. Ouais, lui, il est flagué, premièrement. Ouais, il a pas le choix. Mais lui, il aura pas le choix, par exemple, de faire ça par lettre, là. On s'entend que l'Internet, il est pas fiable à Chypre, là. T'sais. C'est encore drôle, parce qu'on est juste disponible sur les internets. Fait comment est-ce qu'il a fait pour nous pogner là? Ah, écoute, c'est bien compliqué, là. Une histoire là, de réseau underground et tout, là. C'est bien compliqué. Ouais, j'ai entendu dire que les Russes faisaient bien des expérimentations spéciales avec les ondes. C'est ça. Fait que moi, je te dis, lui. Il enverra sa lettre, puis on la retransmettra. C'est oui, excellent. On en fera des fax. C'est ça. Il y a des bonnes chances que dans le background de nos micros, vous entendiez des sons et des bruits provenant de ce qu'on pourrait appeler communément un bébé humain. Ouais, c'est ça. C'est bébé cassette. C'est bébé cassette, voilà. Je vous présente donc comme ça ma fille, prénommée Blanche. Et ou bébé cassette. On va l'appeler bébé cassette pour les besoins de la cause. Alors, elle se trouve à mes côtés avec une manette de PlayStation dans les mains. Je pourrais pas vous dire de quel numéro parce qu'il y a tellement de bave dessus qu'on voit plus le chiffre. Non, c'est ça. La voilà qui vient de passer un boss, je crois. Et, qui... Elle est bien fière, en tout cas. Elle est bien contente. Écoute, elle est bien contente. Elle se peut plus. Ah oui. Puis elle est bien fière de voir que nous, la barrique numérique, on reprend du service. Fait que parlons de ça. Qu'est-ce qui se passe de nouveau avec la barrique numérique? On change un petit peu la formule. On a changé de recette à notre brassin spécial. Ouais, c'est ça. Parce qu'on s'est rendu compte que finalement, avoir des jeux en commun auxquels on joue, c'est pas facile. Tu sais, ça se fait bien la première année, mais à un moment donné, tu te rends compte que ben, finalement, on joue pas tout le temps au même jeu, puis on n'a pas tout le temps de jouer au même jeu. Non, effectivement, il y a eu aussi l'avènement des consoles de nouvelle génération. Il y a comme eu un schisme entre Gaétan et moi, comme quoi qu'un est plus l'un, puis l'autre plus l'autre. Ben, en fait, c'est juste que toi, t'es une console de nouvelle génération, moi, j'en ai pas. Toi, t'es PC, fait que c'est ça. C'est pas juste PC, c'est juste pas nécessairement l'argent et ou le temps d'avoir Nintendo DS avec Pokémon dans le boss, là. Tout le temps. Mettons. Fait que... voilà, puis une des raisons pour lesquelles aussi on a un peu de misère à trouver des gens en commun, c'est bébé cassette. Ben aussi, tu sais. Right. C'est vrai que ça prend du temps à s'occuper de ça. Hein? Et pelaille. C'est pas vraiment fiable quand t'as le walkthrough, là, puis tu y dis de te dire les affaires qu'il faut que tu trouves, là, elle est pas capable. Non, c'est ça, c'est pas un bon. Tu sais, c'est quoi, c'est backseat gamer? Non, c'est ça. C'est pas un bon copilote. Non. Fait que bref, ce qu'on s'était dit, c'était qu'on allait garder pas mal la même formule au niveau de la bière. On y reviendra. Mais pour ce qui est des jeux vidéo, ça va être, comment dire, un genre de... Qu'est-ce qu'on a fait en termes de gaming dans les dernières semaines? Ouais, à peu près. C'est quoi les jeux qu'on a joué? C'est quoi les jeux qu'on joue en ce moment? Quels jeux qu'on voudrait jouer plus tard? À peu près. Je jouais, je joue et je jouera. Je suis sûr que la personne qui a fait la bécherelle serait bien contente de tout. Ouais. D'ailleurs, l'OQLF a été callé par moi il n'y a pas si longtemps avec le hashtag soupe plein de bons gros morceaux. Moi, j'ai vu ça passer. Ouais. Alors, c'est effectivement, on essaie de partir un débat. Là. Qu'est-ce qui se passe avec la soupe chunky? Pourquoi ça s'appelle encore chunky? Puis pourquoi c'est pas la soupe motonneuse? Ouais. On s'était fait dire que ça serait plus punché si c'était soupe plein de bons gros morceaux. Il y a ça. Alors on... c'est plus punché, mais en même temps, tu sais, c'est long, hein. Fait que ça s'écrit mal, ça canne. Tu sais, c'est comme. Ça prend des plus grosses étiquettes. Peut-être. Mais toujours est-il que nous, ce qu'on veut, c'est que vous nous envoyiez la recette parfaite de soupe à bons gros morceaux. Pourquoi j'ai l'impression que ça va virer en recette de crastillon, cette histoire-là? C'est un peu ça le but. Puis c'est comme ça qu'on va pouvoir essayer de sensibiliser les gens à franciser, comme du monde, les bonnes affaires. Parce qu'avec ces recettes-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, les recréer en vrai. Puis on va leur envoyer à l'OQLF pour qu'ils mangent. Mais le seul moyen de le recréer comme du monde, c'est si le chef Groslot se présentait dans notre grange de la barrique numérique pour les faire avec nous. Malheureusement, c'est un peu dur à avoir comme invité. T'sais. Alors, si on a des barriqueux-barriqueuses qui ont dans leurs amis Facebook ce cher Bruno Landry, on vous demanderait de nous prêter. Sinon, il y a un hobo dans le coin, je pense qu'il ressemble pas mal. Y a-tu la même moustache? Oui. OK. Y a-tu la même chemise crasseuse? Non. Mais il est aussi crasseux. Il a juste pas la chemise, mais il a la crasse. OK. Que pense, bon, on va commencer ça. Je pense que c'est un bon début. Fait que, qu'est-ce qu'on a comme bière pour entamer cette, bon, dis-tu, cette nouvelle saison de la barrique numérique? Ouais, c'est ça. Il y a eu comme 12 saisons, si on se fie à ce qu'on dit, bon, mais ben, finalement... Moi, j'aurais dit 3, là, mais on commence à 3e. Là, non, là. Fait c'est que, qu'est-ce que t'as dans tes mains, toi? Ben, c'est la McCracken Flower, vieillie en fût de bourbon. Oh! Fait que, pas la même chose que la petite bouteille qui est pas vieillie en fût de bourbon. Non, c'est ça. Mais en fait, je pense que même les grosses bouteilles sont pas toutes vieillies en fût de bourbon. T'sais, ils en font comme différentes batchs. Ouais. Mais normalement, c'est vieilli en fût de chêne. Ça, c'est comme bien plus spécial. Mais ouais, c'est une Scotch Ale au miel. Fait que ça peut toujours être sympathique dans la bouche. À 10,8%, ça va être bon dans la gueule. Ah, on va être chef gorlot dans pas long. T'es vraiment après 3 gorgées, là, on va commencer à le sentir. Yes. Puis vu que c'est une bière du Bill Bocquet, on se rappellera mes 2 incidents précédents avec les bières du Bill Bocquet. Oui. Fait, qui m'ont forcé à improviser pendant 3 minutes et demie. Effectivement. Qui était toujours... Fait que là, je connais les dégâts, j'ai un bébé. Mais ça veut pas dire que ça va nécessairement bien aller. Fait qu'on se croise les doigts, tout le monde. Bébé cassette, je te regarde, là. Croise tes doigts. Attends, voilà. C'était pas si pire. Ça me semble bon. Ça a pas été très fort comme pichette dans le micro. Mais c'est parce qu'on sentait pas trop pire. C'est parce que je pense que tu l'as pichetté en dehors du micro, tu sais. Ouais. Ah, le micro attire le trouble à la bière. C'est ça. Parfait. Fait que je vais servir ça dans des verres... ma foi du naufrageur. Excusez si on n'est pas très, très compatible en ce moment. Mais ça a l'air qu'on peut pas toujours avoir le verre de la brasserie. Merci. Ben, l'idée, c'est de faire des accords. C'est qu'on essaye de faire des accords. Fait, non, c'est ça. Fait tu prends un mi-pinceau, là, ça fait des accords. Je sais pas si la bière dans le verre du naufrageur va goûter à la mer. Je vois un petit peu mal le logo qui est en face du verre que j'ai. Je sais que c'est écrit à la gâche dessus, mais il y a comme une feuille de peut-être érable. T'es sûr que c'est pas une feuille de tabac, ça? Ça fait qu'à la gâche, ça serait tabac en iroquoien? Ben, j'ai quasiment le goût de vérifier. OK. Sais-tu, tant qu'à être là, écoute... Pendant ce temps-là, je vais sentir cette bière. En tout cas, à première vue, elle laisse un beau petit col. Elle est quand même assez relativement opaque. Il y a un petit peu de lumière qui passe à travers. On va voir, comment dire, un petit reflet rougeâtre. Oui. C'est supposé être une bière quoi, stout? Non, une Scotch Ale. Une Scotch Ale. Fait Scotch Ale au miel. C'est ça. Fait qu'une Scotch Ale, c'est comme une grosse rousse ben foncée. Genre, à peu près. Non. Mais finalement, je sais pas de quoi je parle. À la gâche, non, je trouve rien là. Mais c'est une microbrasserie de la Nouvelle-Angleterre. Oui, effectivement. Qui se spécialise en bière belge, ça a l'air. Ah, tu vois, c'est un cadeau de mon paternel. Tu sais, the more you know. Ouais. On n'a pas d'animation de Rainbow, quoi que ce soit, puis on pluggera pas le jingle là, parce que t'sais, NBC pourrait nous poursuivre. Peut-être qu'on s'en fout, puis peut-être que je le ferai. Ben, il y a ça. Peut-être qu'en ce moment même, au moment où les auditeurs l'écoutent, le jingle a déjà passé. Non, c'est ça. Fait que là, on fait juste élaborer sur quelque chose que finalement, on n'aurait jamais dû élaborer sur. Fait que là, toi, d'ici à la fin de l'épisode, t'es dans le déni total. Tu sais pas si le jingle a joué ou pas. Ben, c'est ça. Je veux juste le savoir quand l'épisode va être sorti. Je veux comme avoir des... Hashtag excitation! Bon, ben écoute, mon cher Gaëtan, je te souhaite... chin, santé, puis prost. On va goûter à ça. Ben, goûte à ça en premier pendant que je meuble le temps qui passe. Sacrifice. Ah ouais? Ça goûte? Ouh. Ça goûte... Le miel? Oui. Ça goûte la Scotch Ale et le miel. OK. Mais, la Scotch Ale et le miel. Mais vas-y, mais c'est très liquoreux. Tu sais, c'est une bière... Ouais, au nez, c'est quand même assez sucré. Oui, c'est très sucré. C'est pas une bière que tu vas boire... T'sais, 2 grosses bouteilles, là, parce que c'est clair que tu vomis ta vie après. Là. Mais ça dépend à quel débit. Ouais, il y a ça. Mais c'est vraiment plus comme une bière dégustation, mais niveau au goût, c'est parfait, c'est excellent. Oui, je pense que pour avoir déjà goûté la McCracken pas vieillie en fût de bourbon, ouais. Celle-ci est, en tout cas, est déjà meilleure après deux gorgées. Mm-hmm. On verra si après plusieurs autres gorgées et du 10,8% dans le sang, je garderai le même discours. Mais à date, c'est bien bon. Yes! Un gros facteur Yule. Oui, facteur Yule qui est déjà très présent. On verra si il se contient. Fait que... Toi, mon cher Gaétan, ouais. À qu'est-ce que t'as joué dans les derniers temps? Là, on sait pas encore, là, vu que c'est un nouveau concept. On devrait-tu parler des jeux qu'on a finis, des jeux auxquels qu'on joue, dans quel ordre qu'on devrait faire ben, ça? Ben écoute, on peut commencer par les jeux qu'on joue là, parce que... À qu'est-ce que tu joues là, là? Ben, on a fait la même affaire la dernière fois, puis je joue à la même chose que le dernier épisode de le 2 mois. Fait que c'est comme si on n'avait pas pris de break. C'est comme si on n'avait pas pris de break. Mais non, je joue encore à Binding of Isaac Rebirth sur PC. La Renaissance. Oui. Fait que là, mais... ça se passe avec Ezio qui arrive. Non, j'espère pas. En tout cas. Mais en plus, c'est d'autant plus d'actualité cette semaine parce que la nouvelle expansion du jeu vient de sortir, qui est Binding of Isaac Afterbirth. OK. Puis il y a bien plus de stock. Puis c'est comme... Ça ouais, j'ai entendu dire que ça prenait une expansion... Comment dire, mongol? Ouais, non mais c'est fou, là, je veux dire, l'expansion, je pense en plus, ils vendaient ça 10$, ce qui est à peu près la moitié du prix du jeu. Ok, puis, fait qu'à 30$, c'est comme l'équivalent d'un jeu et demi. Ouais, genre, mais c'est incroyable. Pour ceux qui savent pas exactement c'est quoi Binding of Isaac, je vais essayer de l'expliquer. Explique-moi les dons, c'est quoi Binding of Isaac? En gros, là, c'est comme un twin-stick shooter, là, okay. Mais... dans un... Avec pas de gun. Avec pas de gun, parce que tu tires des larmes de tes yeux. Okay. Wow. J'aimerais ça t'expliquer pourquoi. Ben en fait, tu vas comprendre un peu le pourquoi. Puis dans le fond, de la manière que ça se présente, c'est dans un... Tu te promènes dans un donjon qui est aléatoirement généré. Ça a été long dans ma tête d'essayer de trouver l'équivalent français de randomly generated, mais ça ben, devrait on, être on peut s'en tenir ça. Avec un des deux là. T'as pas non, besoin de dire les deux à chaque non, fois. Non, mais tu sais, j'essayais de comme catcher l'équivalent français. Mais tout ça pour dire, c'est ça, t'es dans un donjon qui est généré aléatoirement. Puis c'est ça, tu commences, t'es dans le... Parce que l'histoire, parce que oui, il y a une histoire malgré le fait qu'elle est plus ou moins importante. Là, okay. Mais c'est que t'es un petit bébé, un enfant. Puis là, ta mère, elle entend la voix de Dieu dans sa tête qui lui dit de faire un sacrifice pour démontrer sa foi. T'sais? OK, fait qu'on retourne à... Comment est-ce qu'il s'appelait, là, le bonhomme égyptien qui s'était fait dire la même chose? C'était-tu Isaac, justement? Probablement. Dans l'Ancien Testament? Peut-être, sûrement. C'est déjà trop deep. Fait que c'est ça. Fait que là, ta mère, elle essaye de te tuer. Fait que tu t'en vas te cacher dans le basement. Puis rendu là, ben là, tu te promènes puis tu rencontres genre plein de sœurs et de frères morts et de plein d'ennemis un peu louches qui sont là puis qui veulent juste te tuer. C'est super sympathique. On appelle ça le lugubre, hein? Ouais. Ben tout le principe du jeu tourne autour justement des démons, des anges puis un peu de tu sais, il y a une connotation religieuse à tout dans le jeu, tu sais. Uh-huh. Fait que c'est ça. Fait que tu te promènes là-dedans, tu tires des ennemis, c'est bien le fun. Puis tu ramasses des items, des power-ups. Là, tu sortes d'items qui donnent plein d'affaires différentes, ça peut faire en sorte que tu peux aller plus vite, tu peux avoir plus de vie, tu peux tirer plus vite, tu peux faire plus de dommages, je pourrais tout énumérer. Là, mais... Fait qu'à peu près chaque aspect de gameplay est modifiable en devenant, comment ouais, dire, plus fort ou plus vite ou plus... Ouais, c'est ça. Mais ça, des fois, ça peut être dans le négatif aussi. Fait que ça, il y a tout le temps une balance qui se fait. Okay. Mais, pis ça, l'affaire, c'est qu'il n'y a pas deux runs, si on veut, qui vont être pareils parce que vu que c'est tout le temps généré aléatoirement, non seulement le donjon est généré aléatoirement, les ennemis le sont, les items le sont. Ouais. C'est très, très, très, très, très dur d'avoir deux runs pareils. Il faut que tu veilles en esthétique. Puis ce que je m'étais fait dire, c'est que quand on termine une run, donc quand on passe à travers chacun des niveaux, on ouais. acquiert une pièce de photo. Qui reste dans notre inventaire et on recommence une run pour essayer de compléter un portrait là. Ouais, c'est vrai, il y a un peu de ça, mais dans le fond la façon que ça marche, c'est que à chaque fois que tu vas faire une run, tu vas pouvoir unlocker, ben, en tout cas au début là, on s'entend, tu vas unlocker mettons un nouveau boss, fait que tu vas pouvoir aller plus loin, fait que là le but c'est de battre tous les boss avec tous les personnages, parce que oui, t'as Isaac qui est le personnage principal, Mais on t'as... en a 8 autres que j'ai vus. Ouais, t'en as beaucoup. Puis ils ont toutes des stats différentes, fait que c'est avec des items différents. Fait que c'est vraiment... Chaque run est un nouveau monde. D'où la raison pourquoi je joue encore toujours à ça. Parce que n'y a pas de fin. Mais il n'y a pas de fin, c'est ça l'affaire. Puis c'est tellement facile de juste dire, ben j'ai 30-40 minutes, ben je vais jouer à ça, je vais faire une run, puis t'as fini. Ça finit là. Okay. Es-tu capable de quantifier la quantité d'heures que tu as passé dans Binding of Isaac? La dernière fois que j'ai checké sur Steam, j'étais à 135. D'accord. Ouais. On parle ici de 1, 2, 3, 4, 5, quasiment une semaine au complet de ta vie. Là. Ouais. Oh, ouais. T'as quel âge? Mais sérieusement, j'ai même pas encore tout débloqué. Tu sais, j'étais en train de travailler là-dessus. Là. Ouais. Mais tu vois, un collègue a tout débloqué, puis lui, il est rendu à 320. Je pense qu'il m'avait dit 328, parce qu'on ouais. a le même collègue ouais, en commun. Là. Fait que je pense qu'il est rendu à ça, 320 quelques heures de jouer. Ouais, ouais. La machine Benjamin, on le sait. Ouais, c'est ça. Fait que lui il est sur un autre monde, là. Il est un autre niveau. Là. Ouais, ouais. Mais non, c'est ça. Puis c'est ça qui est le fun. C'est un jeu qui est simple dans son exécution. Genre, c'est rien de super compliqué. Mais c'est dur, puis ça demande du skill. Fait que faut que tu fasses plusieurs ouais. runs avant de t'habituer et de catcher comment ça marche. Il y a un mot qui essaie de sortir de la broue de mon cerveau pour décrire ça, mais je pense, est-ce que ça serait comme de la densité? Tu sais, t'es comme confronté à une densité constante d'ennemis puis de choses à faire. Mais il y a un peu de ça, c'est surtout au début, tu connais pas les ennemis, tu sais pas ce qu'ils vont faire. La même chose avec les boss, tu sais, c'est. Tu deviens bon finalement à force de jouer puis de catcher le pattern des ennemis, des boss. Là, tu vas savoir un peu comment te déplacer, quand tirer, quand ne pas tirer puis tout ça. Fait que ouais. C'est une question d'habitude, ça, c'est un peu comme les vieux Megaman, parce que c'est à force de jouer que tu devenais bon parce que tu apprenais les patterns. Ouais, il y a un peu parce, là, que ça, parce que le jeu au complet lui-même est un pattern, mais il n'est pas généré aléatoirement, contrairement à Binding of Isaac. Fait que, mais malgré le fait que c'est généré aléatoirement, t'as quand même des facteurs qui reviennent. T'sais, t'as des boss qui, à toutes les runs, ils vont revenir. Ta mère, c'est un boss indéniable, là, il est tout le temps là. Genre, ta niveau. Mère, toi aussi. C'est ça, exactement. Ouais. T'as le cœur de ta mère qu'il faut que tu battes aussi. Oh, okay. Ce qui est assez weird parce que tu t'en vas dans le cœur de ta mère. Ouais, ouais, ouais, parce que tu t'en vas dans le. Elle t'attaque avec des petites balades bien sirupeuses. Yes. Parce que tu t'en vas à un moment donné, t'sais, après l'avoir battu, ta mère, là, ben là, tu t'en vas dans son utérus. Ok. C'est ce qui est assez weird. Fait que là, c'est du Nirvana qui joue, j'imagine. À peu près. Ce ouais, ouais, ouais. Ok, c'est bon. Fait qu'après ça, tu tues son cœur. Puis là, après ça, tu t'en vas dans une cathédrale. Puis en tout cas, c'est vraiment fucked up. j'aimerais te donner plus de détails, là, mais c'est vraiment fucked up. Il n'y a pas l'air d'avoir d'autres manières de décrire ça. Là, non, c'est ça. Puis que c'est fucked up. Tu regardes les vidéos, c'est super weird. Là. Genre, ouais. C'est quelqu'un qui regarde ça pour la première fois, genre, il n'en revient pas. Là. C'est comme, what the fuck, c'est quoi je regarde, c'est pas normal. Mais non, ça vaut vraiment la peine de l'essayer. C'est pas un jeu qui est super cher, comme je disais. Je pense... Me semble que la dernière fois j'ai vu juste le jeu de base sur Steam, il était, je sais pas, 17$, mettons. Ouais. Fait que tu sais, 17$ pour genre 200 heures de jeu. Ben, c'est ça, c'est un 17$ bien investi. Non, c'est ça, tu sais, je me rappelle d'avoir dépensé des 70$ sur des jeux qui m'ont duré 4 heures. Là, ça, c'est non, c'est vrai, dont le jeu que je vais parler, mais je voulais juste faire une joke de dans le sud pour 17$. Tu sais, t'investis. Ouais, ah, t'es peut-être trop jeune pour te rappeler du film Ding et Dong. Ah non, film. Ok, ouais, mais là tu le dis, je catch. Hein. Mais ouais, c'est vrai. Parce que bref, ton 17$, il va pas t'amener dans le sud, non, mais il va te faire passer un bon moment avec Binding of Isaac, Rebirth, puis l'expansion c'est Afterbirth. Afterbirth. Ça commence à ressembler au nom des albums de Notorious B.I.G., mais on divague, on divague, là. Fait que non, c'est ça, dans mon cas, moi. Ouais, c'est ça, à quoi t'as joué, toi? Ben là, l'affaire, c'est que j'ai une PlayStation 4 à laquelle je peux passer à peu près 10 minutes par semaine. Fait que, tu sais, là, quand je suis dedans, là, j'essaye. J'ai mis la main sur la Uncharted Nathan Drake Collection, qui sont, pour les gens qui ne le savent pas, trois jeux, Uncharted, Uncharted 2 et Uncharted 3, puis chacun des Uncharted a des petits noms. En ouais, Among Thieves, puis l'autre que je me rappelle jamais. La Déception ouais, de Drake's Deception. Puis La Fortune de Drake. Ouais, c'est ça. À ne pas confondre avec le rappeur Drake. Non, on n'est pas dans le domaine du Hotline Bling. Non. Oh, non, puis on n'est certainement pas en train de genre danser avec des fonds pastel néon. Je pense que c'est le meilleur clip de tous les temps. T'sais, si j'avais à le ranker, là, je pense que c'est dans le top. Non, le meilleur clip de tous les temps, là, c'est celui de Ima où c'est juste sa face qui flotte dans un fond noir. C'est quoi, essayer de faire un Bohemian Rhapsody, genre? C'est... Et bon, je pense qu'il faudrait rajouter « De pauvre » après. Mais écoute, pendant un... la toune a duré, elle doit durer 4 minutes, là. C'est ça. Pendant... c'est juste sa face dans le noir. Rien d'autre. Rien. C'est vraiment... Il a pas de coup. C'est juste, il y a sa face, après ça, il y a son menton, puis il n'y a rien en dessous de ça. Là. Mais imagine le tournage de ça, comment ça devait être n'importe quoi. Hein? Essayez de pas rire aux éclats. On se vague. On se vague. Fait que, bref, Drac, donc la collection de Drac à laquelle je joue, j'ai eu le temps de terminer Uncharted 1. Puis il faut le dire aussi que j'avais jamais joué vraiment moins à des Uncharted avant de posséder la PlayStation 4. Yes, j'ai jamais eu de PlayStation avant une 4. Fait que ça a été le fun de pouvoir tomber là-dessus. Comment dire, j'ai beaucoup aimé ça. Ben écoute, je te comprends parce qu'avec la popularité de la série, il n'y a pas grand monde qui n'a pas aimé ça. Ben en fait, c'est en y jouant que ça se comprend, puis c'est vraiment un type de jeu. Moi, je dirais que c'est immersif. Ouais, ben c'est très basé sur la narrative, tu sais. Fait que c'est un peu comme un film, tu sais, ça te capte par l'histoire, puis tout ça. Exactement. Puis parlant de film, on y reviendra à un des jeux que j'ai fini tout à l'heure. En fait, on pourrait quasiment faire le lien tout de suite parce que dans la collection des Nathan Drake collection Drac, je sais pas combien de fois je vais pouvoir le dire, là, mais je me laisse aller. J'ai déjà eu le temps de terminer Uncharted 1, donc de Drake's Fortune. Comme introduction à la série, je pense que c'est presque un chef-d'œuvre dans le sens où tout est là, tout fonctionne relativement très bien. La version remastered au PS4, elle est le mot anglais est lavish, tu sais, c'est peaufiné, ouais, c'est poli. C'est ça, c'est très beau. Fait qu'on parle d'un third person action shooter aventure. Fait qu'il y a beaucoup de pow-pow contre des ennemis, il y a beaucoup de grimpe-ici pivotant là, mais c'est tellement bien balancé entre les uns et les autres que il n'y a pas de moment à mort. Fait que la force de ce jeu-là, c'est ça, c'est l'action. T'as de l'action tout le temps et la narrative qui drive cette histoire-là de toi qui fait juste avancer puis progresser. Fait que bref, là, Nathan Drake, là, c'est un genre de Indiana Jones des temps modernes. Puis il part à la recherche d'un trésor que son ancêtre aurait découvert. On parle ici de, c'est quoi, la fameuse Cité d'or ou une affaire de même. On n'a pas confondre avec les mystérieuses Cités d'or, là, c'est pas exactement la même chose. Non, il y a mystérieux puis il y a pas mystérieux. On se trouve ici dans le pas mystérieux, mais dans le louche qu'on découvre vers la fin du jeu. Il y a personne qui s'appelle Esteban ou... Non, mais il y a Sullivan. Ouais, c'est Sullivan, blood. Il est le fun. Il est bien blood. Il est bien blood. Toujours plus blood. Bref, c'est ça, on se met les pieds dans les plats parce qu'on croise nos chemins avec un méchant qui est à peu près en train de chercher la même chose que nous, puis d'où vient le pow-pow, puis d'où vient le sauve-toi, puis tout ça. C'est typique d'un film d'Indiana Jones. Genre, puis ce qui est le fun, c'est que dans ce genre de jeu-là, c'est pas tout... Ben, oui, c'est linéaire. Tu commences, t'es dans un stage, tu passes du point A au point B, puis va-t'en là, puis pendant que tu t'en vas là, ben il faut que tu ramasses X, Y, Z et des choses comme ça. Mais il y a des passes où t'es un... Tu sais, c'est un peu scripté, t'es pris sur une corde pendant que tu glisses, puis tu dois tirer sur des ennemis. T'es dans un char, tu dois tirer sur des ennemis. Il y a des choses comme ça qui se passent. Fait que quand ça arrive, ça ponctue tous les événements. Ouais. Et puis, écoute, c'est un jeu d'action qui est ben le fun. Fait que le 1, je l'ai fini. J'ai commencé le 2, il y a déjà une nette... amélioration au niveau des graphiques, au niveau des contrôles, au niveau des features dans le jeu. Fait que là, on a rajouté un petit peu plus d'affaires comme on a changé le Python Reload. Tiens. Wow! Non, je niaise. C'est vraiment très bon. Il y a encore plus de treasures à trouver. Ouais. Les scènes d'action sont encore plus spectaculaires. Les hélicoptères qui viennent exploser des passerelles entre deux étages d'hôtel. Je pense qu'avec le 2, ils ont vraiment pris leur espèce de stride de, tu sais, vraiment y aller cinématique, super narratif. Puis tu sais, pas que le 1 l'était pas, mais ils ont comme quadrupler ça, genre avec le 2, parce que tout est super impressionnant, les settings sont hallucinants, t'sais, juste la passe du train, c'est comme... C'est fou. Oui, l'intro d'Uncharted 2 te met dans l'ambiance du jeu avec une claque dans la face. Non, c'est ça. C'est une pièce d'anthologie, juste ce stage-là, je dirais. C'est pour ça, mettons, qu'ils ont joué à Last of Us, c'est le même principe où les 5-10 premières minutes du jeu, c'est comme tout de suite, ça te met dedans. Là. Ouais. Ça part raide, puis on aime ça de même. Last of Us, pour partir raide, ça part c'est intense. Oh, ouais, ça fait mal. Je regarde le temps passé, ça nous amène à la gorgée du milieu, déjà. Ben ouais, des sacrifices. Je te dirais qu'elle est bonne en temps. Elle est vraiment bonne. Ouais. Mais comme je disais tantôt, c'est vraiment licoreux, c'est vraiment sucré. Fait que c'est vraiment pour les gens avertis, là. Tu sais, quelqu'un qui s'écœure vite sur le sucré, il aimera pas ça, là. C'est sûr et certain, là. On pourrait presque dire que c'est une bière de temps des fêtes. À cause de son niveau sucré, à cause de ses arômes, là. Je dirais pas que c'est bien épicé comme une Weizenbock, là, mais... C'est pas tant que c'est épicé, mais c'est quelque chose qui est très chaleureux. Ouais. Qui va chercher un petit côté confortable en dedans de toi, là. Tu sais, quand t'as la grippe, là, pis que... Tu veux tuer ça d'un coup? Là. Ben non, mais tu sais, ben, quand tu fais la tuer d'un coup, ce que tu fais, c'est, moi, on appelle ça un ponce là, dans mon coin de la grange. Là, c'est une tasse d'eau chaude avec un petit peu de citron, du miel, puis une grosse shot de gin. Mais toujours du gin. Toujours plus. Ben, ça ressemble à ça. Mais en format bière et froid. Non, c'est ça. Puis c'est bon, là. Moi, ça rentre au poste. Faut je m'en reverse. C'est bon. Mais non, mais ben, vraiment bonne. En même temps, tu sais. Est-ce que je m'attendais à ce que ce soit pas bon? Non, pas vraiment. Parce que on s'entend que déjà Bitbucket font des super bons produits. Moi, tu me dis Scotch Ale, déjà là, tu viens me chercher. Puis, tu me dis vieillant fût de Bourbon, je suis comme OK, quand est-ce que. Tu sais, où est-ce que je signe puis combien je te donne? T'sais. C'est un peu ça. Là. Ben là, t'as pas eu à signer puis tu m'as rien donné encore. C'est un cadeau. C'est ça. Ouais, je veux dire, mais là, on s'entend. Mais ben, tu sais, tu m'as fait signer avec mon sang tantôt quelque chose. Là. Je sais pas c'était quoi par exemple, j'ai pas lu. Mais... Ah! Ça va être une surprise. Une autre chose dont tu devras attendre à la fin de l'épisode. Et maudit. Maudadine. Mais ouais, c'est une des... Ça se considère pas comme une Scotch Ale, à mon avis. Je sais pas pourquoi. Mais je vois vraiment là, le lien. Je pense que c'est trop sucré pour que ce soit une Scotch Ale dans ma palette, à moi. Ouais, mais je pense quand même... Tu sais, une Scotch Ale, d'habitude, c'est quand même un peu sucré. On se le cachera pas. Là. Oui, mais c'est un peu plus abrasif. Mais c'est ça l'affaire, c'est que c'est vu que c'est vieilli dans un fût de bourbon. Non, c'est ça. Qui a aussi toute la chose. Ouais, tout à fait. Ouais. Fait que comment qu'elle s'appelle? Elle est faite par la gang de la brasserie du Lac Saint-Jean. C'est la Gros Mollet. La Gros Mollet, qui est une Scotch Ale, ils en ont une édition vieillie en fût de bourbon qui elle est largement supérieure à la Gros Mollet pas fût de bourbon. Totalement. Mais tu sais, c'est un peu comme la tente tricotante aussi vieillie en fût de chardonnay puis tout ça. Là, d'habitude, c'est toujours une coche de plus. C'est aussi deux fois le prix de la bouteille, là, mais ça, c'est un autre histoire. Oui, mais quand tu connais déjà bien le produit puis que tu te dis, y a-tu une meilleure version? Tu sais, c'est comme quand t'aimes bien un groupe de musique là, puis tu te dis, ah, y a-tu un album live qui serait bon? On se dit pas ça, là, mais tu sais, des fois, on pourrait, là. Ouais. On pourrait, là, tu sais. C'est vrai, moi, j'aimerais vraiment savoir un album live, là, tu sais. C'est comme... Toi, t'aimes la crème à la glace napolitaine, tu sais, à trois couleurs, là. Ouais. Puis, y a-tu une coche au-dessus? Ben, ça serait la version à quatre couleurs. Ouais. Mais ce serait quoi la quatrième couleur, par exemple? Ah! Ça peut être tout? Ça peut être les trois mélangés, mais à part, en quatrième. Fait que ta quatrième couleur, c'est chamarré des trois autres? C'est comme, tu sais, là, t'as les trois couleurs de large, là. Ben là, rajoute une quatrième colonne, mais elle est comme séparée dans l'autre hauteur. Tu comprends? Oh my god! C'est fucké, hein? Écoute, je pense qu'on a un produit à développer, là. Je pense qu'on devrait sortir la crème glacée frère cassette, là. Faut clairement aller voir Breyers pour la crème à glace. Ouais. Oh, moi, j'irais voir Quaticook. J'allais dire ça. Merci. Moi, j'irais voir Quaticook direct. High five de micro. Yeah. Yes. Quaticook. Fait que, bref, ce qui m'amène, moi, là, à parler d'un jeu que j'ai fini, qui était bien cinématique aussi, qui était pas assez action à mon goût, puis qui était un petit peu décevant en bout de ligne. Mais satisfaisant à d'autres points de vue. Ouais. The Order 1886. Ah bah oui. C'est un jeu qui m'a fait vraiment beaucoup pencher pour la PlayStation 4, vu que c'était une exclusivité. Puis les images qu'on a vues au premier reveal, pour le premier trailer, c'était comme la gueule te touche à terre. À peu près. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce jeu-là? On en veut plus. Là, après ça, on comprend que c'est un third-person shooter. Mais ce jeu-là, malheureusement, souffre d'une claustrophobie visuelle en termes de gameplay qui empêche à une bonne immersion puis à un bon gameplay. Je m'explique. La caméra est vraiment trop proche du character. Et en plus de ça, elle est en plus widescreen que 16:9. Il y a deux bandes noires en haut puis en bas. Ouais. C'est comme du ultra widescreen. Ça fait en sorte que, en plus que la caméra est proche du character, quand tu vises avec ton gun, il y a ton personnage qui va prendre le tiers entier à gauche de l'écran. Ouais. Il te reste deux tiers. Puis mettons que tu es en cover puis que tu veux voir où se placent les ennemis, la bande noire va t'empêcher de voir au-delà du cover que tu utilises. Ouais. Fait que... Je sais pas si c'est un choix de gameplay, je sais pas si c'est ça qu'on visait. Je pense pas que c'est un choix de gameplay. Selon moi, je pense que c'est un choix technique. Parce que l'affaire, c'est que justement, tu te dis, le jeu est super beau. Ouais. Mais le jeu est super beau, justement, parce qu'il n'y a pas grand-chose à l'écran. Exactement. Fait que comme il y a moins de choses à renderer, j'ai fait des guillemets avec mes doigts, hein. Okay. Renderer. Ben, faudrait que tu fasses. Ouais, ouais, ça. Fait que vu qu'il y a moins de choses à montrer à l'écran, ça fait en sorte que tu peux mettre des trucs plus beaux parce que t'as moins d'affaires, ouais, dans l'écran. Je suis bien d'accord avec ça. Fait que je pense que c'est vraiment à ce niveau-là qu'ils ont dit, ben ok, vu qu'on veut que ce soit genre une expérience super cinématique, super réaliste, bon ben on va couper dans d'autres trucs. Tu sais, en même temps, eux autres peuvent dire, ah ben finalement c'est un choix genre artistique de rendre ça genre, ouais, ultra widescreen puis que ça fasse tout beau puis cinématique, mais dans le fond, au final, ça te permet juste de rendre les graphiques plus beaux. T'sais. Effectivement. Puis c'est ce qu'on voit tout au long du jeu. Le jeu, il est sublime, là. Il y a pas à dire. Les effets de mouvement dans les vêtements, les skybox, tout ça, là, quand on se trouve à un moment donné sur un toit de building, puis on voit des dirigeables dans le ciel, puis la ville qui s'étend devant nous, c'est magnifique, là. Oh, ouais. Le jeu, par contre, l'histoire, cette narrative-là, aurait fait un bien meilleur film, ben, c'est souvent qu'un jeu vidéo. Arrive. C'est pas mauvais. Je pense que le jeu a démontré un proof of concept viable, ouais, qui va, j'espère, se téléporter, se transformer en un autre et prochain jeu vidéo qui sera plus jeu vidéo. Ouais. Mais tu sais, d'après moi, c'est un proof of concept, là. Ils ont, ouais, voulu essayer de quoi, puis ils ont démontré qu'ils pouvaient faire des affaires bien belles. Ouais. Puis tant qu'on saura pas c'est quoi qu'ils voulaient prouver, on sera pas en mesure de dire s'ils ont atteint l'objectif ou pas. Mais moi, ce que je dis, c'est que je suis à couteau tiré là-dessus. Mm. C'est bon, c'est beau, c'est bien fait, mais j'ai pas eu assez de fun. Non, c'est ça. Puis en quelque part, si t'as pas de fun dans un jeu... C'est toujours mais ça. Tu mets le feu ou mais tu fais des menaces de bombes, là. C'est comme. Parle pas les menaces de bombes, toi. Come on, là, c'est des personnages qu'on incarne. C'est ça. On a ce filtre-là de plus. Ouais. Mais non, ça, tu sais, je pense qu'en quelque part, c'est que c'est toujours le fun d'avoir une expérience visuelle intéressante. Mais tu sais, quand tu payes 70$ à un jeu, il faut qu'il soit le fun aussi. T'sais. Ouais. Il n'y a pas une valeur de rejouabilité. Ben, c'est ça l'affaire aussi. C'est qu'à un moment donné, si tu te dis, OK, j'ai joué, mettons, mon 6-7 heures, puis j'ai passé à travers, puis je ne rejouerai jamais parce qu'il n'y a pas de façon de le rejouer, ben, c'est non. plate. T'sais. Non, surtout que le jeu te force à perdre toutes tes armes, puis à n'en utiliser seulement qu'une, celle que tu trouves à terre. Fait que tu peux pas refaire une certaine partie du jeu avec, on va essayer tel gun à la place pour voir comment. Non, ça, tu peux pas. T'es forcé à faire ça tout le temps. Mais ouais. Non, c'est fatigant, mais écoute, peut-être qu'ils vont venir avec d'autres choses. On l'espère. Il y a une fin relativement ouverte. Je veux dire, je vais pas trop m'avancer là-dedans. Mais bref, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. On va s'en tenir à ça. Il y a quelque chose. Puis s'ils sont pour revenir, c'est Ready at Dawn qui a fait ça. Me semble bien, oui. Puis si Ready at Dawn est prêt à revenir avec quelque chose, c'est clair que j'ai un intérêt pour, mais la barre est haute en bout de vierge de Sainte Crème. Non, c'est ça. Puis en plus, le fait que là, ils ont sorti ça, puis que ça a été jusqu'à un certain point décevant pour la plupart du monde, ouais, ça fait en sorte qu'on va les attendre avec une brique puis un fanal. Fait que c'est comme, t'es mieux de démontrer que tu sais en estique ce que tu fais, sinon... Ouais. Probablement que les dirigeants de la compagnie sont effectivement des loups-garous, tu sais, là, puis juste nous attirer dans leurs repères. Puis... Mais de toute façon, tu sais, on n'en parle pas, là, parce que c'est un secret, mais tu sais, tout le monde dans l'industrie du jeu est un loup-garou, je veux dire, c'est de même que ça... Ouais. Pourquoi est-ce qu'il n'y a jamais sorti de jeu vidéo pendant une pleine lune, hein? Hein? Y avez-vous pensé? Fallout 4, ça sort-tu un soir de pleine lune, ça? Faudrait checker. C'est la semaine prochaine, ça? Sinon, je sais pas ce que je vais faire. T'sais. Je vais peut-être canceller ma transformation pour pouvoir jouer à Fallout. Ça se cancelle, ça? Ça a l'air. Ça a l'air si tu essayes bien fort. Tu forces, là. C'est... Jusqu'à ce qu'il y ait une veine dans le coup de pète ou quoi? Ouais, là, quelque chose du genre. Non, c'est ça. T'sais, c'est un peu comme essayer de t'sais, quand t'es bien constipé et que tu forces, à peu près le même genre de force. Le médecin, il est loin, hein, d'ici. Écoute, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Hein. Non, c'est ça. C'est la dernière fois que tu m'as aidé là, avec une scie rouillée, puis. Attends, les gars. Moi, je vois pas de problème. Moi, j'en vois pas. Non, mais tes tutoriels sur YouTube. Tu as perdu ta jambe ou tu l'as pas perdu? Je l'ai pas perdu, mais pas la même couleur. Ben, ça, c'est pas mon problème. Bout de vierge. Ça y est. De sainte crème. Non, mais. Hein. De qu'est-ce que c'est ça? Fantastique. Fact. Il y a des choses que je me demande. Puis c'est. Toi, y a-t-il un jeu que t'as fini récemment? Étonnamment, pas vraiment. Tu sais, je regardais ma Mais d'abord, c'est quoi l'autre jeu que t'as joué? Ben, c'est ça. J'ai commencé à jouer à Rocket League. sur oui. PC aussi. Un petit jeu gratuit qui... Ben, pour toi, qui était gratuit sur PS4, mais il est pas... parce qu'il me semble qu'il était gratuit sur PS Plus, parce que je suis pas sûr que si tu vas checker sur PS4, là, il est plus gratuit. Mais, fort possible. Surtout que le jeu vient de connaître une popularité monstre. Ben, c'est ça, c'est un jeu qui est sorti un peu de nulle part, puis les gens se sont mis à genre vraiment triper là-dessus, puis ouais. Tout ça, puis c'était comme, oh my ça, god, c'est ça quoi... Ça réinvente un peu le jeu de 3 contre 3 sportifs. Mettons. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça. Puis, fait que dans le fond, c'est Rocket League, c'est comme un jeu de soccer, 3 contre 3, mais avec des chars. Yep. Fait que, tu sais, c'est une grosse balle. Ouais, une très, très grosse balle. Oh, on s'entend, ouais. On dit des chars, mais c'est plus comme des chars téléguidés, tu sais. Ça ressemble beaucoup au RC car qu'on avait quand on était jeune. Ouais, ça a comme une forme de Doom Buggy, là. Ouais, un peu. Ouais, ouais. Puis, c'est des grands terrains, là, super beaux, puis fancy, puis ouais, modernes, ouais. Avec des lumières, des explosions partout. En tout cas, c'est malade. C'est quoi le but du jeu? Ben, le but du jeu, c'est de faire plus de buts que ton adversaire. Ah, ouais? Je te jure. C'est vraiment un jeu de sport. Ouais, ben je l'ai essayé moi aussi, puis ça se joue de préférence en ligne. Oh, et oui. Non contre ordinateur. Encore là, en ligne, moi je dirais avec des amis autant que possible, tu sais. Ouais. Parce que c'est le fun de jouer en ligne contre du monde que tu connais pas, mais je pense que d'avoir une team avec des amis contre justement d'autres mondes, ouais. des inconnus, c'est encore plus le fun, tu sais. Mais, même pour faire des petits tournois entre amis, c'est toujours sympathique aussi. Ben mais, oui. Mais non, honnêtement, je trouve ça super le fun, puis l'affaire c'est que. C'est un autre de ces jeux qui est comme simple à embarquer, mais dur à maîtriser. T'sais. Ouais. C'est facile de te promener puis genre comprendre comment ça marche, les contrôles puis tout ça. Mais de vraiment... devenir un virtuose de ton petit buggy. Non, là. C'est ça. Puis t'sais, vraiment de guesser où est-ce que la balle va tomber exactement. T'sais, c'est toujours un spot à terre qui va te dire où est-ce que la balle va tomber quand elle est dans les airs. Mais parce que t'as deux modes de caméra. T'as la caméra libre, si on veut. Puis t'as la caméra qui va suivre la balle. Ouais, ouais. D'habitude, suivre la balle, c'est toujours bon parce que tu sais ça où t'en en place, tout temps. Là, ouais. Sauf que quand tu regardes la balle, ben tu sais pas exactement où est-ce qu'elle va atterrir. Fait que c'est de gauger, genre, OK, ben là, combien de gaz je vais donner pour arriver exactement au moment où elle va atterrir à terre. Fait qu'on on finit par apprendre comment conduire. Un peu. C'est aussi... En ayant des repères visuels différents. Non, c'est ça. Mais c'est quand même bien fait parce qu'il y a une couple de tutoriels qui te montrent comment ça marche, c'est pour y aller graduellement. Fait on peut customiser ses véhicules aussi, ce qui change absolument rien à la... Ça change absolument rien, c'est juste le visuel. Ouais, ouais. Mais quand même, c'est cool. T'sais, justement, à force de jouer, tu vas unlocker des chapeaux, tu vas unlocker des décales pour ton char, tu vas unlocker différents modèles de véhicules. Je pense... Ben, j'ai dit ça... Je sais pas si ça a un impact. Je pense le comme les chapeaux, les décals, ça change rien. Mais le type de véhicule que tu choisis va peut-être changer de quoi, mais je suis pas sûr. À la limite, peut-être l'accélération, la vitesse maximale. Ouais, ces trucs-là. Ce ouais. Faudrait que je check. Je veux pas dire de niaiseries, là, mais ça se pourrait parce qu'il me semble c'est que. Parce que c'est juste ça qu'on dit, des niaiseries. Right. Ouais. Mais non, c'est un super bon jeu, puis il est pas super cher encore là. C'est un petit jeu à 15-20$, je pense. Ouais, ouais. Puis ils ont sorti un paquet de DLC après ça, là, genre avec plein de véhicules. Je pense que tu peux avoir la DeLorean de Back to the Future à Star. Ah oh, ouais? Ouais. Fait que là, tu peux revenir dans le temps puis aller non, bloquer le... Ah, non. Tu peux pas... Non? Non. Tu peux pas dans le futur. Non, désolé. Tu peux pas aller dans le présent. Non. C'est plate, ça? À quoi ça sert d'abord, Carlis? C'est beau. T'sais, une DeLorean. C'est beau. C'est crime. Tant qu'à sûr, tant qu'à mettre des chars de même, aurait dû être une Pacer puis des affaires de même, tu sais, des vieux chars. Hein. Moi, j'aurais voulu la Garde mobile. Là. Moi, j'aurais préféré la Volkswagen Rabbit. Oui, aussi. Ouais. Mais je pense que la Pacer, tu sais, la Garde mobile, là, ça aurait été malade. Là. C'est parce que en dedans, t'aurais pu voir 5 gars en train de chanter Bohemian Rhapsody à tue-tête. Tu vois, hein? Callback, on revient sur des affaires. C'est nous autres, là. Là on avait pas parti pendant 2 ans. Là, non, puis, non, c'est non, sûr. C'est ça. Ah, fait que non, c'est ça. Moi, je le conseille à tout le monde si vous filez un peu jeu de sport, mais ouais. Différent. Ça vaut vraiment la peine, c'est pas cher. Puis il y a peut-être même un démo, je suis pas sûr. Là. Fait que si vous voulez l'essayer, genre. Ouais, le démo, ça serait t'as le droit de jouer une partie de 5 minutes. Non, mais tu sais, des fois, tu peux genre. Tu sais, pour les jeux de sport, d'habitude, c'est comme mettons, une game, mais un peu raccourci. Mais les games de Rocket League, c'est vraiment pas long en partant. Je pense que c'est 5 minutes. De ouais, base. Puis celui qui fait le plus de buts. Ouais, c'est ça. T'sais, fait que, mais c'est le fun. Puis l'affaire avec les. Quand tu joues avec l'ordinateur, c'est qu'il est poche. Ouais. Fait que, surtout dans ton équipe, tu sais, contre, là, les adversaires, eux autres, sont malades. Mais avec toi, c'est les pires Christy d'ordi qui existent. Non. C'est en ligne que c'est un peu plus intéressant. Oui, tout à fait. Parce que là, tu peux vraiment dire, OK, ben. Talent, ouais, c'est ça. Puis tu peux dire. Ou il y a des noobies. Aussi. Mais tu peux avoir quelqu'un, mettons, qui reste en arrière, qui fait plus de la defense, qui va faire le goalkeeper, tandis que t'as les deux autres qui vont essayer de faire des buts. C'est comme une game de Quidditch, finalement. Mais. Non. Pas tout. C'est comme du Quidditch, mais non. C'est. Hey, mais non. Mais non. Hashtag mais non. Hashtag mais non. Quint, oui. Prends ça dans nous autres, on les parle, les trends. Si l'interweb, on connaît ça, Chris. Crains pas que je te le note puis que ça s'envoie sur les internets. Juste un tweet, mais non. Pourquoi pas? Regarde, on va le faire live. On va le faire live. Écoute, je te regarde, là. Fait que, écoute, pour vous autres, tu sais, ceux qui nous écoutent, là, ben, allez donc checker ça, Rocket League. Puis ça, c'est bien, bien populaire sur les Twitch, là, ces affaires-là, là, qu'ils appellent. Là. Ouais, les gens qui jouent à ça live. Ouais, c'est bien, bien, bien populaire parce que justement, c'est un jeu qui se regarde bien parce que c'est un jeu l'équivalent de jouer à un jeu de sport ou de regarder une game de sport, tu sais. Parce que c'est ça, au final. Ça ne se cachera pas. Parlons de jeux en ligne. Oui. Récemment. Il y a eu comme une espèce d'enclume de 16 tonnes qui est tombée sur la noix de la Video Game of Sphere. Ouais. Je pense que la McCracken est en train de mes babines sont slack. Non seulement tes babines sont slack, mais tes analogies sont pas claires. C'est... Non. Fait que bref, ce que je dis, c'était que dans les jeux vidéo... Non, pas vrai. Il y a eu Battlefront. Oui. Star Wars Battlefront. Ouais. That's it. Fin du segment, on peut passer à d'autres choses. Ben non, pas forcément, je vais quand même en parler un petit peu parce que j'y ai joué, je l'ai downloadé, j'ai abdiqué à m'inscrire à EA Online là. Ouais, c'est la bêta que t'as essayé. Oui, parce que c'était... Le jeu est pas sorti. Le jeu est pas encore sorti, EA a relâché la open beta pour tout le monde. Ouais. C'était sur toutes les consoles. Et même PC. Ouais. Et puis on pouvait jouer à Star Wars Battlefront, qui est comme l'équivalent d'un Call of Duty. Ben, je dirais plus Battlefield. C'est Battlefield, excuse-moi. Je les mélange tout le temps. Fait que c'est Battlefield, mais front. Ouais. Fait qu'on remplace le yield par runt. C'est ça. Puis tu remplaces toutes les skins d'un Battlefield par des skins de Star Wars. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Ce qui est une bonne chose, puis qui l'est moins en même temps. Parce que ça va, c'est... Mais pourquoi moins? Mais ce que je veux dire, c'est que... C'est sûr que le fun... Attends, tu veux dire, c'est une bonne chose, mais non. Mais non. Non, mais... Honnêtement, comme pour le fan de Star Wars, c'est super le fun parce que justement, il y a toutes les références qui sont là, la musique, tout ça, c'est super trippant. Mais pour le joueur, admettons, qui veut juste jouer un FPS, ben tu sais, il a joué à Battlefield, il arrive à Battlefront, c'est comme, ouais, ben c'est à peu près la même affaire. C'est à peu près la même affaire, mais. C'est juste un skin. C'est beaucoup un skin parce que les mods puis tout ça, ça se ressemble beaucoup. Pis... C'est vrai que tu peux remplacer un hélicoptère par un. Mettons qu'on dit un TIE Fighter. Tu pourrais remplacer un CF-18 ou un fucking F-35 qu'on n'a jamais eu. Non, c'est ça. On te regarde un peu. Ouais. Hein? C'est ça. Non, on pourrait remplacer ça par un X-Wing. On pourrait remplacer les gros turrets ou bien les attaques orbitales par les AT-AT dans la bataille de Hoth. Mais toujours est-il que, moi, en tant que gamer, ce que j'aime, c'est une certaine fantaisie. Puis là-dessus, je vais saluer mon ami Jasmin qui habite au Lac-Saint-Jean, à Dolbeau-Mistassini, pour être... Plus précis. Et puis, on n'avait pas encore parlé de ça, mais c'est le premier épisode de Movember 2015. Ah, aussi. Et ce cher Jasmin porte cette fameuse moustache de Grayson Galahad dans The Order. Ouais. Il s'est inspiré de ça pour son Movember, alors je lui lève mon chapeau sincèrement et chaleureusement. parce que lui, puis je partage son idée là-dessus, c'est qu'il veut de la fantasy dans un jeu vidéo. Fait qu'en revenant à Battlefront, qu'est-ce qu'on a là-dedans? De la fantasy. Je m'explique. Battlefield, c'est trop basé sur la réalité. Des vraies armes, des vrais tanks, des vrais conflits, des vraies factions qui existent. Puis, ce que j'aime pas là-dedans, c'est qu'on essaie trop d'émuler quelque chose qui existe pour vrai. Le gameplay est bon, c'est mécaniquement très tight, c'est correct, là, ça marche. Mais moi, l'élément de fantasy, là, dans mon cas, à moi, c'est un petit peu le futur. C'est un petit peu ce genre d'affaires-là, des petits lasers piou-piou, puis un univers, puis un genre de mythologie qui existe à part entière dans ce microcosme là. Ouais. Fait que ce qui est cool avec Battlefront, oui, je les mélange tout le temps, c'est que c'est fucking bien fait. Puis, ouais. Check bien ça là. moi le gars qui pointe la table, oh, là, oui, pour essayer de faire un point. Je te vois, là. Moi le gars qui a à peine... Tu fais ton Jean-Luc Mongrain. Ah, oh, sac. T'as-tu des duotangs pas loin? Hein, veux-tu des duotangs? Hein, moi, le gars qui se rappelait même pas d'avoir vu les épisodes 4, 5, 6 de Star Wars au complet, ouais, a joué à Battlefront puis a fait « Ok, Star Wars, c'est cool. » Ben, il y a ça. C'est vraiment cool. Je pense que c'est une bonne affaire si justement ça te donne le goût d'en voir plus de l'univers. C'est une bonne... Ben, je suis allé quitter les DVD à mon ami l'autre jour. J'ai fini par les écouter comme il faut, pour la bonne foi. Non, c'est un des très bons films. Oui. Je comprends l'engouement pour tout Star Wars. Wow. Épisode 7, Force Awakens, tout le kit. Fuck Jar Jar. Fuck Jar Jar. Hashtag fuck Jar Jar. J'allais le dire. Merci. Et puis, c'est un excellent first-person shooter en ligne. Les maps sont folles. Les guns sont très intéressants. C'est juste beaucoup d'action puis énormément de plaisir à avoir quand on recherche cette fantasy précise-là parce que ça va jamais sortir de Star Wars. C'est impossible, mais... Quand t'aimes ça, tu tombes là-dedans, puis tu sais, regarde, t'es servi sur un plateau d'argent avec la tête à Jar Jar Binks qui fume parce qu'elle vient de sortir du barbecue, puis tu vas pouvoir y manger un œil en disant fuck you! Mais je pense que c'est un peu ça, c'est. Tu sais, quand je dis que c'était beaucoup un skin de Battlefield, c'est pas nécessairement quelque chose de péjoratif, c'est juste, tu sais, c'est un peu, tu choisis l'univers dans lequel t'as le goût d'évoluer. Ben, c'est comme, tu sais, les Call of Duty sortent à chaque année, là, puis une année c'est un tel, puis l'autre année c'est un autre. Là, ben, peut-être avec Battlefield, est-ce que je me trompe ou. Ben, non, mais je pense que Battlefield c'est quand même moins pire jusqu'à un certain point que les Call of Duty, là, au niveau de comme ça sort tout le temps, puis. Mais je pense que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont dit, on va vraiment faire justement, on va faire un Battlefield à la Star Wars. Puis, ceux qui aiment cet univers-là, ils vont embarquer là-dedans. T'sais, c'est que ça va chercher du monde qui jouerait pas nécessairement à Battlefield parce que justement, c'est un univers trop réaliste, mais qui veulent quand même jouer à un first-person shooter. Ben, ils vont aller chercher ce monde-là. Ouais. Fait que, la fantasy, quoi. Non, c'est ça, exactement. Fait que je pense, malgré le fait que c'est un skin, c'est pas nécessairement une mauvaise chose dans le sens où ça va aller chercher d'autres mondes qui vont plus apprécier le produit. Mais au final, c'est pas un jeu qui est si révolutionnaire ou quoi que ce soit. T'sais. Fait que faut juste. Non, mais ce qu'il faut apprécier, c'est l'exécution. Puis les autres, ils l'ont, là. C'était bêta, puis c'était fucking beau. Ouais, ouais. Je pense que c'est juste une question de gager les attentes. T'sais. Quelqu'un qui pense à ça, genre qui se dit, ah, ok, ben finalement, ça va être un peu plus comme un Battlefield, va pleinement apprécier le jeu. Là. Mais quelqu'un qui dit, ah, ça va être une expérience complètement différente, puis tout ça, pas non, tant. Ouais. Fait que c'est vraiment juste, comme je dis, c'est un skin. C'est pas une mauvaise chose, mais tu sais, gagez vos attentes en fonction de ça. Ouais. Fait qu'au lieu de dire que c'est comme le jeu de Star Wars, c'est un jeu de Star Wars. Ouais, c'est ça, tu sais. Ouais. Fait que c'est pas le meilleur jeu de Star Wars, quoi que ce soit, mais c'est quand même quelque chose de super intéressant qui vaut la peine d'être joué. Puis je pense que tout fan de Star Wars va avoir du plaisir à jouer à Battlefront. C'est sûr que c'est moins comme s'il était dans le temps des Battlefront 1, 2, puis tout ça. Là, parce que c'était vraiment plus. Je pense que c'était en third person, si je me trompe pas, right? Il me semble bien que oui. Ben, puis tu sais, t'avais. Je pourrais pas dire, non, je viens ça. De découvrir Star Wars. Ça existait, ça? C'est comme quoi? Ça a l'air avancé. Il y a des consoles, là, genre le PlayStation 2, là. Puis il y avait Star Wars Battlefront. Attends, t'es en train de me dire qu'avant PlayStation 3, il y avait une PlayStation 2? Puis avant ça, là. Tu t'accouches juste au cas où? Bébé cassette, prête pas à tienne. Il y avait une PlayStation 1. Mon cœur vient de skipper deux, trois, une couple de beats. Holy shit. Fait que mais c'est là, ça. À taper, là. Si on descend d'un chiffre pour PlayStation, qu'est-ce qui se passe avec Xbox qui passe de 360 à 1 après? Ben ça. C'est comme un genre d'exercice de mathématiques de deuxième année où est-ce que trouver la suite de 2, 4, 6, 8 puis après c'est quoi? Non, je pense que c'est comme un reboot. Là, ne pas confondre avec l'émission, là. C'est, ils ont rebooté. Fait que c'est ça. Aïe, aïe. Xbox The Reboot Generation. Exactement. Parce que tu sais qu'ils vont... Parenthèse, on fait un reboot de reboot. Ben, je sais. Puis moi, s'il n'y a pas un jeu de reboot sur la Xbox One, moi, il descend en tabarnak. Un open world dans mainframe avec des GameCube qui tombent. Je capoterais, je garagerais mon argent. Comme, je pense en même temps, on me dirait, hey, il y a un jeu exclusif sur Xbox One, pis c'est reboot. Je serais comme, je vais m'acheter une Xbox One, je m'en calisse. Comme, c'est genre, c'est reboot. Est-ce que t'attends le bundle ou ben tu l'achètes là? Ah non, c'est straight là. Non, mais écoute, je pense qu'il y avait eu un jeu de reboot sur PlayStation 1 dans le temps, pis c'était de la merde. Comme plusieurs adaptations d'ailleurs. Ouais, mais tu sais, en même temps, tout le monde était comme oh my god, c'est reboot, genre je veux jouer, tu sais. Finalement, c'est comme. Ça n'a même pas la peine. C'était triste, mais reboot, quel show. Hey! Pour ne pas le nommer en français, parce que ça. Non. Ouais, Megabug, c'est comme moins le fun, tu sais. Canal Famille, pareil. C'était. Le bon vieux temps. Oui. Sais-tu, parenthèse sur la parenthèse Mon de Dieu, la parenthèse. C'est les mille et une nuits de Scheherazade. Savais-tu qu'il y avait un live stream Canal Famille qui diffuse toutes les émissions de Canal Famille en continu, genre, je pense que c'est toutes les mardis soir ou quoi de même. Là. Mais tu m'en as jadis parlé, mais ça n'avait jamais vraiment donné qu'on puisse syntoniser cette chaîne. Ben écoute, il faudrait que je retrouve le lien. Là, mais ouais, en plus. Ça existe, fait que tu peux écouter Radio Enfer, Le Loup-Garou du Campus, tu sais, des affaires de même. Là. C'est... Radio Enfer est quand même diffusée à prise 2. Pour vrai? Oui. Je savais pas, j'ai pas prise 2. Mais écoute, moi, prise 2, j'apprécie ça juste dans le temps des fêtes parce qu'il est débrouillé gratuitement. Ben, c'est ça. Parce qu'il y a des reprises de Fort Boyard. Puis tu peux écouter Relever le défi. Puis je sais pas si Relever le défi est là, mais. Non, Relever le défi, la seule place où tu vas voir ça, c'est aux soirées Total Crap. Ah, aussi, ou c'est sur YouTube. Non, non, YouTube, c'est correct, là, mais ça prend la foule de Total Crap pour apprécier ce que Relever le défi était. Yes. C'était cela. Fait que, parenthèse qui se ferme. Ouais. Puis en regardant le temps aussi, je pense qu'on peut essayer de rapper tout ça. Ben écoute, pourquoi pas, mais À moins que. On va rapper ça là. Tu as un format 55 minutes, on aime bien ça. Là. Mais si vous, chers auditeurs, barriqueux, barriqueuses, en voulez plus, ben tu sais, écrivez-nous là, puis dites-les. Non, c'est ça. Dites, on veut plus de barriques. C'est tout. Point. Point. Voilà. T'sais, avec pas d'intonation, pas de majuscule, rien. Non, juste, c'est ça. On veut plus de barils. Même pas de syntaxe. Ah non, fuck la ponctuation, syntaxe. Fuck date, là. De toute façon, qui c'est qui s'est écrit le français ici de personne? Clairement pas ceux qui ont fait une lettre de menace. Ah, qu'est-ce que c'est pas grave? Fait que, bref, écoute, merci beaucoup, ben, chers auditeurs et auditrices, oui. D'avoir été là pour ce renouveau, ce redébut, ce reboot de la barrique numérique. J'ai hâte de voir le cube de jeu arriver. Oh mon Dieu. Fong! faut qu'on reparle de la bière. Faut qu'on reparle de cette... Ah oui, c'est cette affaire-là. D'habitude, on finit avec la bière. Faut qu'on garde cette forme-là. Alors, ça s'appelle la Mac Kroken. Je vais vous l'appeler. M-A-C-K-R-O-K-E-N. Flower. Ouais, la Mac Kroken Flower. On n'a pas confondre avec les Mac Croquettes, ça c'est pas la même chose. Non, parce que c'est pas fait avec les mêmes. Les mêmes ingrédients. C'est à ce qu'on dit. En tout cas, je pense pas qu'il y a du poulet ou genre de la charogne dans la Mac Kroken Flower. J'espère pas parce que au goût que ça goûte, il peut pas avoir de quoi de pas bon dans cette Mac Kroken là. C'est fait par le Bill Bocquet. C'est une Scotch Ale au miel. À 10,8%. Nous autres, on a bu l'édition très spéciale qui est la Grande Réserve vieillie dans un fût de chêne. Mais qui est aussi, en fait, qui est un fût de Bourbon, celle-là. Celle-là en plus. Parce qu'elle a le sticker dessus, fût de Bourbon. Hey boy. Ben oui, toi. Regarde donc ça. Il dit ça. Vous pouvez l'entendre. Mais c'est pas un scratch and sniff, par exemple. T'as beau scratcher, il ne sniffera pas. C'est un débouche and bois. Oh! C'est ça que ça fait une 10,8% à 2. Pas le choix. Mettons. Écoute, c'est une excellente bière. Sérieusement. Oh. Mais comme tu dis, dégustation, on n'en boit pas deux. Non. Surtout là, on la boit à deux. Fait que tu sais, elle paraît pas si pire. Là. Ouais. Mais la boire une toute seule, j'en aurais assez. Là. Comme oui. À dernière gorgée, je serais comme OK, c'est beau, je passe à d'autres choses. Il faut que tu l'étales. Ouais. Il faut que tu sois capable de manger au moins deux tranches de gâteau aux fruits. Là. Genre. Bien séparé dans le milieu. Là. D'ailleurs, Poilman, on attend ton gâteau aux fruits. Yes. On dit ça de même. Tu sais, là, t'es passé, t'es même pas venu nous voir. Non, c'est ça. Monsieur repasse en ville, puis il vient pas nous voir pour enregistrer. Il va s'acheter une Wii U en plus, puis pfff. Allez, ça, je chialerais pas, j'en ai une. Mais... Ben, c'est ça. C'est on met. Fait que t'as-tu joué à Splatoon? C'est pas grave, on en parlera la prochaine fois. Parce qu'on va faire un autre épisode très bientôt. Parce que là, vu qu'on a redéfini le concept de l'émission. Ben, il faut. C'était le fun! Moi, j'aimais ben, ça! Ben oui! Ça part tout bord, tout côté! Puis... Ça, c'est une autre affaire aussi. T'sais, dites-nous si vous aimez le nouveau format. T'sais, nous autres, on est toujours open à oui. S'adapter à ce que nos auditeurs veulent. Y a-tu des jeux que vous voulez qu'on parle? Non, que c'est vous ça. Pensez qu'on a joué, qu'on n'a pas encore parlé à l'émission? On pourrait le faire. C'est ça. Puis je pense qu'avec le nouveau format aussi, ça permet d'être un peu plus dans l'actualité et moins dans les jeux qu'on a joués il y a 300 ans. Parce que nous autres, on est ben vieux. Ah, écoute, moi, j'étais. J'étais dans les estrades dans l'affaire de Ben Hur, là, tu sais, ouais, pendant la course de chariot, là, moi j'étais là. Là. Ah, moi j'ai vu la première game des Yankees. Quand même, hein. Fait que ça pour dire. Ouais. Non, envoyez-nous vos commentaires. Twitter, Facebook, tout ça, on est là-dessus. Fait qu'envoyez-nous ce que vous pensez de la nouvelle formule. Absolument, on est ben dadons. Vous nous posez une question, on vous répond. Ben, on n'a pas le choix. C'est malheureusement ça, la vie de nos jours. Là. Il y a 300 ans, c'était pas comme ça. Pas non. Puis, faut pas oublier, hashtag non mais. Hashtag non mais. Puis hashtag fuck Jar Jar Binks. Fuck Jar Jar Binks. Mais ça, je pense, ça existe déjà depuis des années. C'est sûr. Fait que, grosso modo, on a joué à plein de jeux. On va jouer à plein de jeux. On a bu de la bonne bière. Puis, partagez-nous ce que vous avez joué et bu. Ben oui, dites-nous ça. Puis, on va vous jaser. Ça va nous faire plaisir de discuter de tel sujet. Absolument. Puis, d'ici là, ben, oubliez pas de peser sur pause puis de faire sauvegarde. Yes. Puis, on se voit la prochaine fois. À la prochaine.